Le féminisme, ses actrices, ses acteurs, au menu d'Histoire vivante, jusqu'à 14h sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Charlotte est une femme qui est au-delà de ce que lui impose son temps, au-delà de l'image qu'elle peut donner d'elle. Charlotte est une femme extrêmement centrée, extrêmement juste en elle-même, qui sait exactement où elle est, ce qu'elle a à faire, ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un qui est droit. Cette semaine, féminisme et résistance. Et c'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas. J'étais à Auschwitz et je disais, si je rentre, j'écrirai un livre. Et j'en avais déjà le titre. C'était « Aucun de nous ne reviendra ». Un verre d'Apollinaire. Portrait de femme au combat. Et puis, elle lui envoie quelques jours plus tard, elle lui envoie les résultats de son interview et immédiatement, il lui a téléphoné en lui disant « Venez ici », avec la voix qu'on imagine de Jouvet. Donc, elle, dans ses petits souliers, elle arrive et puis il lui demande « Mais comment vous avez fait ?» C'est la première fois que quelqu'un fait une interview, je n'ai rien à redire. Donc, il l'a complimentée, puis il lui a dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Ben, elle lui dit « De la philosophie ». Et il lui dit « Ça vous intéresse, la philosophie ?» Et c'est, il a dit, moi je vous engage comme secrétaire, et c'est comme ça que ça s'est fait. Charlotte, Delphine, Carole et les autres. Histoire vivante, cette semaine, féminisme et résistance. Aujourd'hui, entretien avec Violaine Gély, écrivain, journaliste et auteur d'une biographie de Charlotte Delbault. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Violaine Gély. Je suis journaliste, j'ai écrit la biographie de Charlotte Delbault avec un historien qui s'appelle Paul Gradvol. Donc j'ai fourni la matière, les interviews, l'écriture du livre, et lui il a plongé dans les archives. Et à nous deux, nous avons essayé de faire une biographie qui ressemble au maximum à Charlotte. Alors cette Charlotte Delbault, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Qui est-elle pour vous ? Pour moi, Charlotte Delbault est un exemple de femme moderne. Charlotte est une femme qui est au-delà de ce que lui impose son temps, au-delà de l'image qu'elle peut donner d'elle. Charlotte est une femme extrêmement centrée, extrêmement juste en elle-même, qui sait exactement où elle est, ce qu'elle a à faire, ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est droit. Les gens qui l'ont connue disent qu'elle marchait extrêmement droite, la tête haute, le dos bien campé. Ben, c'est comme ça que je la vois, moi. Sûre d'elle. On a envie de prononcer le mot de modèle. C'est, pour moi, c'est une sorte de modèle. En plusieurs choses, d'abord parce que c'est une écrivaine exceptionnelle et que j'aime les mots et que j'aime les livres et que sa parole à elle est exceptionnelle. Franchement, elle a une qualité d'écriture formidable. C'est un modèle parce que c'est aussi quelqu'un qui est passé ce à travers quoi elle est passée et qui n'a jamais baissé la tête, jamais, qui a toujours dit la tête droite ou les pieds devant. Et je trouve que c'est une jolie devise. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas transigé, jamais. On doit connaître un peu plus de choses maintenant de sa biographie. Tout simplement déjà parce que ce n'est quand même pas une personnalité très en vue. Elle l'a été jusqu'au Panthéon, vous nous direz comment, pourquoi. Mais il faut sans doute à ce moment-là retracer cette... vie pleine de mouvements, pleine de surprises, pleine de rencontres, pleine de tragédies, pleine de rebondissements. Alors, vous la connaissez pas mal, cette vie. Entraînez-nous. C'est une vie qui commence très simplement. Charlotte est née en août 1913. Elle est la fille d'immigrés italiens. Son père est en deuxième génération, comme on dit aujourd'hui. Sa maman, elle arrive tout droit de l'Italie, du Piémont. Il s'installe en banlieue parisienne. C'est là où naît Charlotte, à Vigneux-sur-Seine. Son père est ouvrier rifteur, c'est-à-dire qu'il travaille avec les équipes qui font les ponts, les tours en acier. Le grand-père de Charlotte travaille avec Gustave Eiffel, c'est une des grandes gloires de la famille. Donc la vie de Charlotte aurait pu être celle d'une jeune fille de banlieue parisienne un peu lointaine. Elle interrompt ses études, tout ce qu'il y a de plus normalement à l'âge de 16 ans, comme la plupart des jeunes filles de cette époque-là et de cette classe-là. Elle devient sténodactylo, elle apprend la sténodactylo à l'école Pigier, comme beaucoup de jeunes secrétaires de ce temps-là. Et puis, elle commence à travailler tout ce qu'il y a de plus normalement dans des grosses entreprises où elle fait du secrétariat, de la sténodactylo. Et puis, il y a une première rupture dans sa vie. C'est qu'un jour, sur le boulevard Saint-Michel, elle a 20 ans, elle se fait draguer par un jeune homme qui l'accoste, qui veut l'emmener boire un verre. Charlotte accepte, c'est le printemps, il fait beau, puis... Charlotte aime les gens, donc elle accepte d'aller boire ce verre. Ce jeune homme-là, c'est Henri Lefebvre. C'est celui qui va devenir le grand sociologue Henri Lefebvre, mais qui à l'époque est chauffeur de taxi, qui drague les jeunes filles comme ça sur boulevard Saint-Michel. Et il ne réussit pas avec Charlotte, mais ils deviennent amis. Et Lefebvre, qui a fait des études de philosophie, apprend à Charlotte, enseigne à Charlotte à travers des discussions enflammées dont on imagine qu'elles duraient peut-être toute la nuit, à fumer, à boire. Et il lui enseigne la chose dans laquelle il croit le plus à ces moments-là, c'est le marxisme. Et il l'amène à rejoindre les jeunesses communistes. Elle ne s'inscrit pas au parti, ça c'est de toute sa vie, elle a toujours refusé de s'inscrire au parti, mais elle adhère aux jeunesses communistes. Et là, aux jeunesses communistes, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, qui s'appelle Georges Dudac. Georges et Charlotte vont vivre ensemble. Georges et Charlotte vont se marier. Et Georges va être amené à devenir un des cadres du Parti communiste et à devenir le rédacteur en chef d'un petit journal étudiant qui s'appelle Les Cahiers de la Jeunesse. Et Charlotte, entre deux boulots, lui fait des piges. Et puis un jour, elle lui dit, dis-toi qui aimes le théâtre, t'irais pas interviewer Louis Jouvet pour le journal ? Et Charlotte dit si, bien sûr. Et donc, elle va interviewer Louis Jouvet. Christiane Page, professeure des universités en études théâtrales. Et puis, elle lui envoie, quelques jours plus tard, elle lui envoie les résultats de son interview. Et immédiatement, il lui a téléphoné en lui disant « Venez ici ». Avec la voix qu'on imagine de Jouvet. Donc elle, dans ses petits souliers, elle arrive, et puis elle lui demande « Mais comment vous avez fait ?» C'est la première fois que quelqu'un fait une interview que je n'ai rien à redire. C'est-à-dire qu'elle avait rendu absolument tout ce qu'il avait voulu dire, et donc il l'a complimenté, puis il lui a dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Ben, elle lui dit « De la philosophie. » Et il lui dit « Ça vous intéresse, la philosophie ?» Et il a dit « Moi, je vous engage comme secrétaire, et c'est comme ça que ça s'est fait. » Si Jouvet la gardait comme secrétaire, c'est qu'elle devait correspondre à ce qu'il attendait. Et que quand il a considéré à sa première interview que sa parole n'avait pas été trahie, que tout était là de ce qu'il avait dit, ça veut dire quand même quelque chose de très précis de la part de Charlotte. Et apparemment qu'elle avait une mémoire absolument prodigieuse. Elle se souvenait tout de mot à mot. Et là, Charlotte va découvrir le monde du théâtre. Violaine Gély. Et pendant 5 ans, elle va donc suivre Jouvet de très très près. C'est elle qui prend en sténo les cours qu'il donne au Conservatoire d'art dramatique. Tous ces cours qui depuis ont été publiés et servent de référence à beaucoup de jeunes comédiens. Et puis, elle l'aide pour monter les pièces. Est-ce qu'on sait si ces retranscriptions sont du Jouvet 100% ou un peu du Charlotte Delbault dans le Jouvet dans le texte ? C'est du 80% Jouvet et c'est du 20% Delbault. Quand elle sort de la matinée qu'il a passée au Conservatoire d'art dramatique, elle a à peu près un bloc sténo entier de notes où elle a tout noté. Et l'après-midi, elle met tout ça au propre et d'elle-même, parce que Jouvet a confiance en elle et parce qu'elle connaît son patron sur le bout des doigts, d'elle-même, elle resserre le texte, elle ramène les choses essentielles, elle fait sortir le message que Jouvet avait pour ses étudiants. Donc c'est du Jouvet dans le texte, mais c'est aussi une interprétation de quelqu'un qui le connaît très très bien. Votre nièce est mon élève. Non, c'est trop d'honneur. Laisse parler le commandant. Je ne suis pas commandant. J'en viens au même. Les parents sont bien coupables qui ne respectent pas les cheveux blonds ou bruns de la jeunesse. Cet enfant est un sujet de premier ordre. Et vous n'avez pas le droit de lui gâcher la vie sous le prétexte assez vain que vous lui tenez lieu de mère en qualité de tante. C'est une amoureuse. Comment ? Je parle de son emploi. Amoureuse, c'est pas un métier, ça. Je ne doute pas de sa vertu. C'est une Réjeanne, si vous préférez. Oui. Je parle du genre de rôle qu'elle interprétera. Oh, si c'est une Réjeanne, alors, certainement. Voilà. Je vous rends votre lettre pour vous laisser la joie d'avoir le remords de la déchirer vous-même. Je t'en démêle. Qu'il n'en soit plus question. Et croyez-vous qu'elle gardera de l'argent? Elle arrivera, et c'est à vous qu'elle le devra. Croyez-moi, vous ferez une bonne et noble action. Voilà. Enchanté de vous avoir connu. Tout est arrangé? Bravo, vous êtes de braves gens. Entrée des artistes, film de Marc Allégret, 1938, avec Louis Jouvet. Cette semaine, féminisme et résistance, suite de l'entretien avec Violaine Gély. Donc, rencontre avec Jouvet, cette association-là va fonctionner par épisode, avec des interruptions et des reprises. Alors, poursuivons sur la première séquence. Donc, la première séquence, elle s'interrompt en fait en 40. En fait, en 39, la guerre éclate, et en 40, les Allemands arrivent à Paris, et le théâtre de l'Athénée où travaille Louis Jouvet est réquisitionné. Jouvet, dirons-nous, dit « je ne veux pas travailler dans ces conditions-là », et part. Et donc, il part dans un premier temps en Suisse, il va faire 6 mois de tournée en Suisse, et puis après, il organise une tournée en Amérique latine, qui va durer, mais il ne le sait pas encore, jusqu'en 45. Donc Charlotte hésite à le suivre, notamment en Amérique latine. Et puis bon, elle y va. Elle y va en pensant qu'elle sera rentrée à l'été. Et puis à l'été, elle découvre que Jouvet ne rentre pas. Et là, Charlotte prend son patron tête à tête et lui dit « Moi, je rentre en France ». Il faut savoir que Charlotte a laissé un mari et des amis qui sont brusquement rentrés dans la clandestinité, c'est-à-dire que le Parti communiste a été interdit. Donc eux militent dans une résistance qui est clandestine, qui est extrêmement dangereuse, et Charlotte a envie d'en être. Par conviction, par amour, elle a envie de rentrer. Quand elle a appris qu'un ami de son mari venait d'être exécuté par la police de Vichy, elle est allée voir Jouvet en disant « je rentre ». Christiane Page. Et il lui a confisqué son passeport. Et il lui a dit « mais tu vas pas aller te mettre dans la gueule du loup. Est-ce que tu crois qu'un soldat a besoin d'une femme ?» Mais elle est partie quand même. Bon, alors la voici rentrée à Paris. Bien que Louis Jouvet lui ait dit, fait pression sous toutes les formes, lui empêcher coûte que coûte, il veut la garder auprès de lui, et puis non. Charlotte est encore plus résolue que Jouvet n'ait têtu, et du coup elle est à Paris. Les choses vont se passer de manière assez brutale et précipitée un matin avec l'irruption de policiers dans l'appartement. Oui, c'est le 2 mars. Le 2 mars 42, ils sont dans leur appartement, c'est-à-dire que le Parti communiste a loué pour eux un petit studio clandestin. Ils ont quitté leur adresse, ils ont une identité, une fausse identité. Ils sont là sous le nom de Monsieur et Madame Delépine. Georges passe son temps à l'extérieur parce qu'il est chargé de 2 réseaux clandestin, donc il passe son temps à rencontrer ses contacts pour monter des revues, imprimer des revues, etc. Charlotte, elle reste à la maison. Ils sortent jamais à deux pour pas pouvoir être repérés ensemble. Donc la plupart du temps, elle reste là et elle écoute Radio Moscou, elle écoute Radio Londres, elle prend en note, elle traduit le cas échéant et elle transmet les informations. Charlotte arrive le 15 novembre 41, et à partir de début janvier, Georges est suivi par les brigades spéciales, c'est-à-dire par les policiers français. Et les brigades spéciales sont en train de monter un grand coup de filet dans lequel vont tomber 115 résistants communistes et pas des moindres. Il y a Marie-Claude Vaillant-Couturier, il y a Daniel Casanova, il y a Georges Politzer. Et dans ce coup de filet-là, il y a Georges et Charlotte qui sont donc embarqués à la prison de la Santé en mars 1942. Lui va perdre la vie au Mont-Valérien, elle part en voyage, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui assez extraordinaire qui s'appelle le convoi du 24 janvier. Alors qu'est-ce que c'est que ce convoi-là ? Le convoi du 24 janvier 1943, c'est le convoi qui quitte Compiègne ce jour-là. Donc Compiègne était l'endroit d'où partaient les convois à destination des camps de concentration. Ce convoi-là est composé de 230 femmes, toutes résistantes, donc toutes politiques, gaullistes et essentiellement communistes aussi. Ce convoi-là, par un hasard, alors c'est un hasard malheureux, mais c'est la seule fois dans l'histoire de la déportation qu'un convoi de femmes politiques va arriver à Auschwitz. En général, les femmes étaient envoyées à Ravensbrück. Là, pourquoi elles arrivent à Auschwitz ? Donc ce convoi-là, c'est celui de Charlotte, c'est celui de Marie-Claude Vaillant-Couturier, de Daniel Casanova. Elles sont 230, elles vont rentrer à 49. Et ces 49-là, c'est un chiffre effrayant, 49 sur 230, mais c'est quand même un chiffre assez important. C'est-à-dire que ce que vont vivre ces femmes, elles vont le vivre dans une telle solidarité, dans une telle, j'oserais dire, sororité, qu'elles vont quand même survivre à 49, pour 49 d'entre elles. Donc elles vont passer 3 mois extrêmement durs. C'est les mois de février, mars, avril, c'est les mois les pires. C'est l'hiver polonais, c'est l'appel dans la neige. Enfin, Charlotte raconte ça extrêmement bien. Et puis là, il y a quelque chose qui bascule un peu. La chance est quand même un peu l'arbitre de la vie et de la mort là-bas aussi. Une partie des femmes est envoyée dans un commando de travail à Raisko pour cultiver des pissenlits. Ces pissenlits, qui s'appellent du coxagis, pour employer le mot compliqué, sont utilisés par les Allemands pour remplacer le caoutchouc, puisqu'ils ne peuvent plus recevoir le latex de leur colonie. Et donc, une partie des femmes va travailler là, et c'est quand même du travail soit en laboratoire, soit pour cultiver des champs. Donc, ça n'est pas l'assèchement des marais, ça n'est pas le transport des voies ferrées, ça n'est pas les travaux de force qu'elles avaient subis à Auschwitz même. Et du coup, elles vont pouvoir reprendre des forces pour pouvoir tenir bon aussi le moment venu quand, en février 1944, elles sont transférées à Ravensbrück. Pour Charlotte Delbault, la libération des camps, le retour après la guerre, ça va se passer comment ? Il va y avoir du temps passé en Suisse. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Violaine Gély, sur cette séquence-là ? Dans un premier temps, Charlotte retravaille à l'Athénée. Jouvet lui a ouvert les bras et puis en fait, elle n'a pas la force. Elle n'a pas la force physique de tenir. Donc, par le biais de l'ADIR, l'Association des déportés et internés résistants, et notamment par Geneviève de Gaulle, elle obtient une place dans une clinique. Enfin, on appelle ça une clinique. En fait, c'était une vaste maison au Mont-sur-Lausanne, qui s'appelait les Hortensias. Et dans cette clinique, il y a une trentaine de femmes déportées, beaucoup, beaucoup de résistantes communistes, puisque c'était le réseau de l'ADIR, qui sont là. Charlotte va y passer 8 mois. Elle arrive tout début février, elle va repartir au mois de septembre. Et c'est un endroit qui va l'aider à se reconstruire, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est très bien suivie médicalement, et notamment elle est rentrée avec une faiblesse cardiaque qui est calmée là-bas, qui est très bien soignée par des cardiologues de Lausanne. Ensuite parce que la nature, le grand air, elle fait des grandes marches et elle va écrire. Et elle écrit « Aucun de nous ne reviendra ». J'ai écrit tardivement. C'est-à-dire, j'ai écrit très tôt. Extrait de Radioscopie de Charlotte Delbault par Jacques Chancel, le 2 avril 1974 sur France Inter. Et c'est une promesse que je m'étais faite quand j'étais là-bas. J'étais à Auschwitz et je disais, si je rentre, j'écrirai un livre. Et j'en avais déjà le titre. C'était « Aucun de nous ne reviendra, un verre d'Apollinaire. J'ajoutais à ma confidente, une camarade qui a fait toute sa déportation avec moi, nous sommes revenus ensemble, qui me dit, mais, à qui je disais, si je rentre, j'écrirai un livre, sans savoir ce que je mettrai dedans d'ailleurs, et je le publierai dans 20 ans. Elle me disait, mais pourquoi dans 20 ans? Eh bien, je lui répondais que ce livre aurait pour moi tant et tant d'importance, serait peut-être la seule œuvre de ma vie, mais il fallait que ce fût une œuvre. Et que, pour m'assurer que c'en était une, il faudrait que je le revoie après l'avoir laissé de côté pendant 20 ans. Ce qui peut paraître un pari stupide, orgueilleux ou inutile. En même temps, j'avais des raisons qui étaient très, très prosaïques. Cette camarade disait, mais écoute, pourquoi dans 20 ans? Car enfin, tu veux faire savoir ce qui s'est passé ici. Tu voudras le faire savoir. Il faudra commencer le plus vite possible. C'est très tôt qu'il faut le faire. Je lui ai dit, très tôt, les journalistes s'en chargeront. Et les journaux disparaissent. En outre, nous allons arriver dans un pays, je m'étonne encore maintenant de la lucidité que j'avais, nous allons arriver dans un pays qui aura été ravagé par la guerre, des gens qui auront été meurtris, qui auront subi des deuils, des bombardements, des privations, qui auront été très malheureux, et leur malheur, qui sera sans comparaison avec le nôtre, il faudra bien l'admettre, leur malheur à eux est présent, le nôtre sera lointain. Et nous serons dans la situation de celui qui, mourant d'un cancer, essaie d'attirer l'attention de celui qui a une rage de dents. La rage de dents vous possède tant que vous ne faites pas attention à la voisine qui meurt du cancer. Parce que votre mal à vous présent est toujours plus vous aveugle et vous empêche d'écouter la plainte du proche. Et alors, en effet, quand je suis arrivée, j'avais hâte de me décharger de ce livre dont je n'avais pas le moindre plan dans ma tête. Et aussitôt que j'étais en état de tenir debout et de tenir une plume, c'est-à-dire 6 mois après mon retour, j'ai écrit « C'était aucun de nous ne reviendra », le titre que j'avais décidé longtemps auparavant. Et je l'ai écrit d'une espèce de traite, dans une espèce d'état second, qui est celui d'ailleurs dans lequel j'écris généralement. Vivante, cette semaine, féminisme et résistance, suite de l'entretien avec Violaine Gély. Le séjour en Suisse va d'abord être interrompu et puis il va être repris. Et entre-temps, il y aura eu à nouveau du Jouvet. Alors il y a une séquence, la nouvelle à raconter de la biographie de Charlotte Delbault. Après son premier séjour en Suisse, elle revient à Paris, elle reprend son travail à l'Athénée. Et puis ça ne va pas. Tout le monde est très gentil avec elle, tout le monde fait attention, mais elle est pas du genre à aimer qu'on fasse attention à elle. Et elle est pas du genre à aimer la pitié et comme elle disait, le demi-service. Donc elle décide de s'en aller. Elle décide de quitter la troupe et elle postule à l'ONU. L'ONU est une toute jeune institution, qui recherche tous azimuts des experts, et elle postule et elle est acceptée à Genève. Elle rejoint le service des interprètes de Genève. Et là, elle va vivre 12 ans à l'ONU, à Genève. Elle arrive en 1948, elle va en partir en 1960, et ces 12 années de vie-là vont être des années de voyage, puisqu'elle voyage beaucoup avec les experts de l'ONU. Elle va en Palestine, enfin ce qu'on appelait la Palestine à l'époque. Et puis surtout, elle va rencontrer des gens formidables là-bas. Elle va rencontrer des gens qui vont l'aider à être dans la vie et qui n'ont pas connu la Charlotte d'avant, qui peuvent avoir du coup une relation avec elle peut-être plus saine, en tout cas plus naturelle. Et notamment, elle va se lier d'amitié très forte avec un homme qui est le chef du service photographie de l'ONU, qui s'appelle Eric Schwab, et qui est celui qui a fait toutes les photos de Charlotte qu'on connaît aujourd'hui, mais avec qui elle partage quelque chose, parce que tout jeune homme, tout jeune reporter photo, il a participé à la libération des camps pour la FP, et ce qu'il y a vu renvoie évidemment Charlotte à ce qu'elle y a vécu, et ça crée entre ces deux-là un lien très particulier. Traverser une expérience concentrationnaire est une chose, la restituer, trouver les mots après, en est une autre. Primo Levi, David Rousset et Charlotte Delbault. Alors Charlotte Delbault, son encrier à elle, ou plus exactement l'encrier, il est commun à ces trois-là, mais sa plume à elle, comment va-t-elle tracer ça? Je dirais que ça va sembler comme une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler, c'est que Charlotte est une femme. Et je pense, d'une part, que l'expérience concentrationnaire vue par une femme n'est pas la même que celle vue par un homme, vécue par un homme. Et je pense que le récit de cette expérience par une femme n'est pas le même récit que celui fait par un homme. Alors, à ces deux assertions, je vais évidemment vous demander pourquoi. Alors, je pense que ce que Charlotte nous dit de la concentration au féminin, c'est-à-dire vécue par les femmes, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup moins chez les hommes. C'est cette espèce de solidarité absolue. Toutes, elles témoignent de cette solidarité exceptionnelle. Et elles vont jusqu'à dire, quand on lit Mesure de nos jours, qui est le dernier tome de la trilogie Auschwitz et après, qu'elles n'ont jamais retrouvé ça après, dans leur vie. C'est-à-dire que certaines sont rentrées, se sont mariées, ont eu des enfants, ont vécu leur vie. Ce qu'elles ont vécu à Auschwitz, en tant que communauté humaine, communauté de femmes, elles ne l'ont jamais retrouvé. Et ça, je ne l'ai jamais vu, moi, je ne l'ai jamais lu ailleurs que chez Charlotte. Demain, nous recevrons à ce micro Christiane Page et Agnès Braunschweig. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel.